construisent quoi? Faisons taire les mélancoliques avec notre propre rythmique et notre joie. Música, music, això és el que ens aporta aquest programa Olala Music, un programa dedicat a la música en francès. Una cançó que estem escoltant, però que la tornem a escoltar d'aquí uns moments amb el programa del dia d'avui. Benvinguts novament amb la companyia de Rafael Corbí a aquests gairebé 60 minuts dedicats a tot el que soni en francès. Comencem ràpidament amb les nostres col·laboracions de les diferents persones que ens acompanyen amb el nostre programa. Tres d'elles que ens acompanyen en la seva pròpia veu, l'Àngel Rodríguez, en Cyril Torres i en Hamid. Amb ells sempre els dones gràcies. I una persona que ens envia els seus comentaris i la seva música, com és el cas amb aquest programa d'avui també, de la Norma. Una de les grans artistes de sempre de la música francesa ha estat qui ens escoltava ara mateix, qui sentíem, la France Gall. Nascuda a París el 9 d'octubre de 1947, el seu nom de pila era Isabel. Es va fer famosa als anys 60 cantant temes d'en Serge Gainsbourg, com la Suzette, aquella polèmica cançó, la lletra de la qual pot interpretar-se com la descripció d'una fel·lació, i amb la que France es va escandalitzar quan va descobrir el seu doble significat. O aquell Poupée de Cigarette, també una extraordinària cançó. Per al programa d'avui, la Norma, la nostra col·laboradora, sempre li diem la Femme Fatale de Olala Music, ens ha triat una cançó dedicada a la Ella Fitzgerald. Se n'han fet moltes versions, però ens quedem amb aquesta de la France Gall. Es diu Ella, Ella. Quelque chose dans la voix qui paraît nous dire bien, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et les espoirs. Quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as, ah! Ella és la cançó de la Friends Gold que ha obert el programa d'avui de Oh La La Music amb la col·laboració de la nostra estimadíssima Norma. Una altra de les cançons que ens recomana d'aquesta artista és una que ens parla de moments molt bonics. Diu que hi ha moments tan bonics que voldríem creure-hi. Potser seré jo la que tancarà els ulls o potser només ens creurem per un instant o dos. On els creurem? Jiré o tu irà és una de les cançons més boniques que ens pot portar la French Girl. Il y a des moments si beaux qu'on voudrait y croire. Quand on veut les saisir, quand on sait les voir. Puisqu'il faut vivre, être ensemble ou se suivre, c'est beaucoup plus fort. Je suis peut-être celle qui te fermera les yeux. Peut-être qu'on se croise pour un instant ou deux. Dans ce qui nous entoure, il y a tellement d'élan d'amour qui se perdent. Là, là, c'est un volcan qui gronde. Je suis l'eau quand tu voudrais le feu. Peut-être qu'on est seul, même quand on est deux. Et quand tout semble possible, partager l'inaccessible, c'est beaucoup plus fort. Passion qui sombre, là, là, on fait des feux de joie, là, là, on veut refaire le monde, là, là, on y croit, là, là, c'est la force qui tombe, là, là, et fait régner sa loi, là, là, la colère. Després d'aquestes dues cançons, acabem amb una tercera i definitiva que precisament ja us sona, perquè és la cançó amb la qual habitualment obrim el nostre programa. La Norma ens parla de cançons dedicades a la música. La Norma és una persona que viu per la música. Sempre cançons dedicades a la música, perquè no hi ha res millor a la vida. És molt maca aquesta cançó, també. És el tema que dona entrada sempre a Olala Music i es diu així mateix, Música, amb Frans Gall. cantant francesa, considerada com l'equivalent de Leslie Gore als Estats Units a Twinkle al Regne Unit, amb unes actuacions increïbles i convertir-se en una de les grans artistes, sobretot també a finals dels anys 80, amb aquella cançó que hem escoltat el 1988 amb LLLA. I amb aquestes que hem anat escoltant, minut a minut, compartim cançons i amors amb la música en francès, perquè ens encantarà. És el moment d'un dels meus amors especials, un bon amic, molt bon amic, que es diu Àngel Rodríguez, que sempre ens dedica cançons de fa molt de temps enrere, cançons romàntiques, devia ser de quan ell era jove. Aquest és l'Àngel Rodríguez. Hola, Rafael. El 2 de febrer de 2016 ens deixava Michel Delpech a l'edat de 70 anys. La seva època d'esplendor fou la dècada de 1960 i 1970, on hi trobàvem peces com aquesta, Chez Lorette. Va sortir el maig de 1965, va ser escrita per ell mateix i pel compositor Roland Van Zandt. Un tema molt nostàlgic. Amb vosaltres, Michel Delpech, Chez Lorette. À sa façon de nous appeler ses gosses, on voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle que notre argent de poche disparaissait dans les machines à sous. Après les cours, on allait boire un verre. Quand on entrait, l'oreille souriait, et d'un seul coup, dans le son, nos problèmes disparaissaient quand elle nous embrassait. C'était bien chez Lorette, quand on faisait la fête, elle venait vers nous, Lorette. C'était bien, c'était chouette, elle payait pour nous l'orette. Et plus encore, afin qu'on soit tranquille, dans son café, il y avait un coin pour nous. On s'y mettait pour voir passer les filles, et j'en connais qui nous plaisaient beaucoup. Si par hasard on avait l'âme en peine, Lorette seule savait nous consoler. Elle nous parlait et on riait quand même. En un clin d'œil, elle pouvait tout changer. C'était bien chez Lorette, on y retournera. Chez Lorette, ce sera bien, ce sera chouette, et on reparlera des histoires du passé chez Lorette. Aquest és el record primer de la France Gall amb la Norma, després de Michel Delpech amb l'Àngel Rodríguez. I ara és el torn de la música contemporània, de la música que es fa avui en dia, la música cantada en francès, i escoltarem un cantant nascut a Pau, que es diu Vianney Vogot, nascut el 13 de febrer de 1991, un jovenet que als 24 anys guanyava el trofeu de millor intèrpret de l'any als Premis Victòria de la Música 2016. Va ser una de les revelacions també amb els Premis Victòria del 2015. El seu primer àlbum, Les Idees Blanques, va ser un disc de platí. El seu segon, Vianney, com ell, va sortir el 25 de novembre de 2016, triple disc de platí, autor i compositor, realitzador i arranjador. És aquest intèrpret nascut amb aquesta població al costat nostre, els Pirineus Atlàntics, i que ens portava música d'aquesta que podien qualificar. Sempre ens havia agradat molt això de varietats. Escoltem, doncs, aquest artista, i ho fem amb el primer senzill que va sortir d'aquest àlbum, GMV, és la cançó que ens aporta ara mateix amb el nostre programa, Vianney. J'ai troqué mes clics et mes claques contre des cloques et des flaques. Mon sac à dos pour oublier qu'avant c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine plus que la haine. Oh ma route, oh ma plaine, Dieu que je l'aime. Tourne et tourne dans ma tête les images du long métrage où tu es belle et moi la bête, et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres, je m'en vais. Sur mon front, goutte de pluie, goutte de froid, donne des ailes, donne don, l'envie de m'éloigner de toi. Et mes larmes, et mes armes sont ma peine plus que la haine. Et mes larmes, Dieu que j'ai mal, tourne et tourne dans ma tête. Images du long métrage où tu es belle et moi la bête, et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres, oh, je m'en vais. Una cançó esplèndida, aquest primer senzill extret d'aquest àlbum va sortir el dia 7 de novembre de 2016, qualificat com una balada de ruptura, i que va recollir el Victòria, el Premi Victòria, la cançó original dins la 32a cerimònia dels Victòries de la Música. Després d'aquest GMV que escoltàvem, el segon senzill que va sortir de l'àlbum va ser la cançó Moi et toi, una altra de les molt bones cançons d'aquest àlbum. El 13 de març de 2017 aquesta cançó enfilava els seus camins cap al món de la ràdio. Per exemple, l'anterior, el primer senzill, va ser un número 2 a França i un número 3

attention quand on marche sur des seringues. Se méfier des dingues qui sortent leurs flingues dans ma rue. Les péripatéticiennes craquent pour du crack. Les pompiers les réveillent en leur mettant des claques. Personne ne veut tenter le bouche à bouche. Les clodos s'échappent pour ne pas prendre de douche. Dans ma rue, le vendeur de grec veut nous empoisonner. Sa viande est bizarre, son huile est périmée. Comme moi, l'épicier fait ses courses à ED. Il me revend les mêmes produits que j'achète l'après-midi. 4 ou 5 fois plus cher la nuit dans ma rue. Ça vole, ça viole, mais qu'est-ce que tu veux? À chacun sa banlieue, la mienne je l'aime. Et elle s'appelle... Chapelle, terminus, tout le monde descend, reste ou prend son bus. Bienvenue dans ma rue, où la crasse colle à tes pieds sur le trottoir comme de la glu. Bienvenue dans ma rue, où les pigeons meurent dans le caniveau, à force de manger du dégueulis de toxico. Dans ma rue, autant de flics que de mecs cocus. Le coiffeur raconte des blagues aux dealers, les policiers donnent des planques aux voleurs. Le facteur aide le macro à relever les compteurs. J'ai été élu président de ma rue, j'ai placé mes ministres, tout le monde est corrompu. À chacun sa banlieue, la mienne je l'aime. Et elle s'appelle le 18e. Ginecó, un excel·lent intèrpret que va començar la seva carrera artística als anys, quan tenia 19 anys, el seu nom real Bruno Vozir, i que ens ha portat la col·laboració d'en Ciril Torres amb el nostre programa d'aquesta setmana. Estem a Olala Music, programa dedicat a la música en francès, enfilant la recta final del nostre espai, i ho fem també amb música contemporània, en aquest cas però amb una formació, un grup que varen crear i que lideren Mark Collin i Oliver Liveau, ajudats per músics d'estudi i diverses vocalistes, i que va començar com una idea extravagant, versionar cançons de l'època New Wave i post-punk amb un estil lounge i bossa nova, transformant himnes masculins en delicadeses cantades per dones amb un cool accent francès. I això va funcionar. El primer àlbum va transformar Love Will Tear Us Apart de Joy Division en carícia brasilera, o el Guns of Brixton de The Clash en delícia acústica, tot i que Jello Biafra o John Lydon no els va fer molta gràcia. L'èxit va continuar amb el seu segon àlbum, Band Apart, del 2006, i la inclusió de versions, anuncis publicitaris. El tercer àlbum va ser el 3, el 2009, mentre que ara escoltarem el que van fer amb el pop francès, l'àlbum Couleur sous Paris, de l'any 2010, al costat d'un elenc de cantants que inclouen a Vanessa Paradis, Camille, Yel, Emily Luzó o Carini Clement. Per exemple, varen fer això amb aquesta cançó, que a veure si la reconeixeu, al costat de Hugh Coleman. Et toi, dis-moi que tu m'aimes. Même si c'est un mensonge et on n'a pas une chance, la vie est si triste. Dis-moi que tu m'aimes, tous les gens sont les mêmes. J'ai besoin de romance, un peu de beauté plastique pour effacer nos cernes, de plaisir chimique pour nos cerveaux trop ternes. Que nos vies aient l'air d'un film parfait, yeah. Et toi, dis-moi que tu m'aimes, même si c'est un mensonge, puisque je sais que tu mens. La vie est si triste, dis-moi. dis-moi que tu m'aimes, oubliant tout nous-mêmes, ce que nous sommes vraiment. Amoureux solitaire dans une ville morte, amoureux imaginaire, après tout qu'importe, que nos vies aient l'air d'un film parfait. Nouvelle Vague és un tipus de projecte que un ha d'entendre abans de disfrutar-lo. Alguns dels actuals i antics membres d'aquesta banda inclouen molts artistes, els quals són reconeguts per el seu propi treball i són considerats integrants del que s'ha donat a anomenar la renovació de la cançó francesa: Annie Crozet, Camille Dalmé, Five Kilder, Melly Peng o Marina Celeste, entre d'altres. Hem escoltat aquests Amors solitaris, que crec que la peça original era de Lio, i també aquest Potent Potent, que ens aporten al costat de Camille. La Music és el vostre programa de música en francès i els nostres col·laboradors que es van acostant a poc i minut a minut per portar-nos les seves col·laboracions, les seves recomanacions al nostre programa. Bonjour, mon ami Hamid. Bonjour, Rafa. On est là content de faire de la musique avec Mousso et les jeunes. Je les ai vus sur scène une ou deux fois à Londres et j'ai beaucoup aimé leur musique et leur mélange de l'occitan et d'autres cultures. Et la chanson, il s'appelle Mon Escarida. Longtemps j'ai peiné pour l'amour, les filles et la tendresse. Maintenant que je vous ai vu, tout ça n'importe plus. Rien qu'un joli sourire de vous, mais comme une caresse. Et vous sentir à mes côtés, je n'en demande pas plus. Que la vida es pulida, que si ça montes l'escalida. Te leie una bella amiga, far encantar un mundo entier. Longtemps j'ai peiné pour l'argent, la gloire et la richesse. Puisque je vous ai rencontré, tout ça est oublié. Rien qu'un tendre regard de vous, et je remplis mes caisses. Vous voir marcher à mes côtés vaut bien tous les billets. Que la vida es pulida, que si ça montes l'escalida. Te leie una bella amiga, far encantar un mundo entier. Longtemps j'ai peiné pour la joie, l'insouciance et l'ivresse. Maintenant que vous êtes ici, adieu tous mes soucis. Rien qu'un petit baiser de vous me revient la jeunesse. Et m'allonger à vos côtés m'emporte au paradis. Que la vida es pulida, que si ça montes l'escalida. Te leie una bella amiga, far encantar un mundo entier. Aleluya, mamá. Si ça montes l'escalera, te leie una bella amiga, far encantar. Que la vida es pulida, que si ça montes l'escalera, te leie una bella amiga, far encantar. Que la vida es pulida, si ça montes l'escalera, te leie una bella amiga, va encantar un mundo entier. Fantàstica aquesta cançó que ens ha acompanyat, realment magnífica. Aquesta música que fins i tot semblava que cantava una mica en català, eh? Amit? Sí, sí, sí. Occitan. C'est Occitan, no? Sí, sí, sí. Mosso i le joven, lo splendid Moniscarida. Esteu escoltant a l'Ala Music amb Rafael Corbí. Elle est à toi, cette chanson. Toi l'auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma ville faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquants et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un peu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers le ciel au Père éternel. Elle est à toi, cette chanson. Toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim.

Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir du thon et on a vu du thon. J'ai voulu voir ta soeur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir en France, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu.